The following KFAI program was recorded earlier for broadcast at this time. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis, Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM in Minneapolis, Saint-Paul and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Bonsoir tout le monde. Welcome to Bonjour Minnesota. Bonsoir Freddy, bonsoir Adrien. Bonsoir Romain. Bonsoir Adrien, bonsoir Romain. Alors comment ça va? Eh bien ma foi, ça va. Pas trop froid du tout, c'est agréable. Yeah, it's not too bad. Yes. Huh? Yeah, it feels like fall, really. Yeah. Yes. Considering last year we had a foot of snow. That's Yeah, it's funny to see the Facebook memories and, you know, to see that last year I had like the big furry hat and I mean, it's December, so we could definitely have snow. I mean, sometimes have some like by the end of My wife still goes out on her paddle board on the lake. Oh yes, it's not frozen. She wears a full body wetsuit, of course. And Wednesday, she already knows she's going. It's going to be 50. So. Oh, wow. Yeah. Sunny and 50 degrees. Nice. Very nice. Oh. Well, otherwise, this week, it was pretty quiet. I mean, we had like some people, some death in the French public. I mean, in the French, like... Le PAF. Le paysage audiovisuel français. Yeah, we had like about three people that The last president who... actually served during the 20th century, passed away. Valéry Giscard d'Estaing, he was 94, and he passed away of actually COVID. But it was 94, so he had a long life. Sure. And he served between 1974 and 1981. Right. Yeah. So just one mandate, one term. Yes. Of 7 years, though. I mean, at the time, it was seven years. Yeah. And he lost to François Mitterrand in 1981. True. But then he had a comeback in the early 2000s, and it was for a European career. Valéry Giscard d'Estaing was a very great visionary about Europe because he understood that France by itself could not... could not technically protect borders, I suppose, effectively. And that's not the only reason why he was a true believer in the European Union, but he helped develop a new constitution for the EU in 2001, and that lasted for about 16 months, which was a pretty long effort to develop. But he even said himself that it was a work of a turtle, but he was relentless and he was successful eventually. Mm-hmm. Yeah, that's good. So yeah, Valéry Giscard d'Estaing, we heard about also like a singer, Anne Sylvestre, which started her career like in the late 60s, 70s. A lot of her song had a lot of protest. Yes, she was a feminist. Yeah, pacifist. Yes, and she also actually recorded a lot of songs for children. Oh, I didn't know that. Yeah, Anne Sylvestre. And I was going to play one, but we're limited to three. And I think the ones we picked are among our most popular ones. But there was one about Christmas, and maybe we can play it in a couple of weeks for definitely. The holidays. Yeah, especially if it's about Christmas. And the last one who passed away was Robert Castel. Mm-hmm. Yeah, just passed away also. He was a comedian and an actor, and... He was coming from Algeria, right? Yes. Yeah. French Algeria. He was a pied noir. Yeah. think that he was born in Algeria when Algeria was French. Yep. And he was part of the Algerian French population that had to return to France in the early 60s when Algeria became independent. Right. And yeah, he was a humorist. And so he was very famous for his pied noir accent and from North Africa. And yeah, he had a great career, a lot of supporting roles as far as TV or movie goes. And I mean, it's sad to see all these people go. But... Yeah, I think he was, how old was he? Like 84, I think? He was in his 80s for sure, probably even more. Probably like late 80s, early 90s. 1933, so he was 87. Ami des mathématiques, bonsoir. You know, when you hear about those people that you've known and you've seen on TV and in the movies all your life, that's when you find out how old they are, that you realize that time really, you know, flew. And I think it's worse for us because you guys left a little bit later, but not that much. Living in 2000, there's some of these people that I don't see getting old. So I remember them like they were in the 80s or 90s and, you know, like TV anchors like Michel Drucker, for example. Well, he's still there. So that didn't change. He's still there. But when I look at his pictures right now, you know, once in a while, I go across a picture of him on the internet. It's like, wow, he changed quite a bit. Because we don't see them on a day-to-day basis anymore. Yeah, your point of reference kind of freezes in time. So that makes sense. Yeah. Even though we stay really connected with the music. Yeah. And thanks to, in part, to the partnership with RFI, Radio France Internationale. Yeah. Fresh tunes. And yeah, that's cool. That's true. I looked at RFI this month and there's some Gael Faye and there's some, you know, Julien Doré. I mean, some artists that are pretty current. So yeah. All right. So we're going to play three songs by Yann Sylvestre. Yes. Okay. Are we going to play some accordion? Yeah, some. Well, the former president, Valéry Giscard d'Estaing, was a big fan of accordion and he played accordion. And one of the things that people really remember him for was that from time to time, he would show up randomly at people's homes for dinner. Nice. So you were watching, you know, the news on TV in your, you know, little town in wherever, you know, in central France, whatever, and someone would knock at the door and that was the president coming for dinner. And he was very well known for that. And sometimes he would actually bring his accordion. Very funny. 1926. Yeah, quite a talented man. He was also at l'Académie Française, member of the Académie Française. Mm-hmm. And he said he wanted to be remembered as a writer before he passed. Yeah. So yeah, many talents. All right. So should we play some music? Yes, please. All right. Well, on y va. C'est parti. Vas-y, Freddy. All right. Now, we're going to listen to Anne Sylvestre. So the first song we're going to listen to is La Vaisselle. Or the dishes. Well, it's a very feminist song and funny too. And then we're going to listen to Non, tu n'as pas de nom. No, you don't have a name. And it's about an unborn baby. And then we're going to finish with Les gens qui doutent, people who have doubts. Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle, les mains dans la merde. Mais tout change. Et voici Jules qui lange les fesses de l'héritier. Il balaye, et bientôt quelle merveille, il astique le plancher. Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle, faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle, les mains dans la merde. Mais tout bouge, et voici que les yeux rouges, il fait cuire le rôti. Il cuisine, quelle splendeur assassine. Fait la plongée, il essuie. Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle, faut pas que ça se perde.

trop s'enfuir, à trop s'enfermer. Où sont passés nos sentiments d'avant, qui nous venaient sans que l'on sache comment. Je te ferais languir si j'étais ta maîtresse. Je te ferais courir si j'étais ton ivresse. Je te ferais vomir si j'étais une ogresse. Je t'aurais déjà fait cuire si j'étais ton étoile. Je te montrerais le chemin si j'étais ta sœur. Je te donnerais la main si j'étais ton ami. On se verrait demain. J'étais le diable, tu ferais moins le malin. Si j'étais le vainqueur, tu serais prisonnier. Si j'étais un trophée, tu ferais tout pour gagner. Si c'était moi l'arbitre, tu ne pourrais plus tricher. Mais si j'étais ta chance, me laisserais-tu passer? Si j'étais chevalier, je te provoquerais en duel. Si j'étais le soleil, tu t'y brûlerais les ailes. J'étais une petite fée fragile qui s'essoufflait en vain combat. Quand je serai enfin soldat, je ne donne pas cher de toi. J'étais une petite fée fragile qui s'essoufflait en vain combat. Quand je serai enfin soldat. Si j'étais une sorcière, je t'envoûterais mon amour. Si j'étais un fantôme, je te hanterais nuit et jour. Et si j'étais un poète, je te ferais la cour. Et si j'étais l'évidence, tu ferais moins de détours. Si j'étais une armée, j'assiégerais ta forteresse. Si j'étais la confiance, tu rirais de tes faiblesses. Si j'étais une arme, je serais celle qui te blesse. Si j'étais un souvenir, je serais le seul qu'il te reste. Si j'étais un pirate, je ferais un carnage. Si j'étais ta voisine, je ferais du tapage. Si j'étais un livre, tu tournerais la page. Et si j'étais l'océan, tu n'emmènerais pas large. Si j'étais le silence, je te laisserais tout seul. Si j'étais la vengeance, je te casserais la gueule. J'étais une petite fée fragile qui s'essoufflait en vain combat. Quand je serai enfin soldat, je ne donne pas cher de toi. J'étais une petite fée fragile qui s'essoufflait en vain combat. Quand je serai enfin soldat. Si j'étais l'espoir, je te donnerais la foi. Si j'étais la justice, tu te plierais à ma loi. Si j'étais l'assurance, tu serais moins maladroit. Et si j'étais le paradis, tu tomberais bien bas. Si j'étais Dieu, je te pardonnerais tes offenses. Si j'étais généreuse, je t'offrirais des vacances. Si j'étais la parole, tu dirais tout ce que tu pensais. Si j'étais la vie, entrerais-tu dans ma danse. Si j'étais un taureau, je te ferais courir dans l'arène. Si j'étais un poison, je m'infiltrerais dans tes veines. Si j'étais une femme, je serais peut-être la tienne. Mais s'il fallait me chercher, t'en donnerais-tu la peine? Si j'étais un oiseau, je me contenterais de tes miettes. Si j'étais un bourreau, je te couperais la tête. J'étais une petite fée fragile qui s'essoufflait en vain combat. Quand je serais enfin soldat. J'étais une petite fée fragile qui se blottissait dans tes bras. Quand je serais puissant soldat, je serai armé contre toi. Rien que l'amour, que l'amour. Rien que le feu de tes lèvres. Rien que le ciel de tes yeux. Et tout devient merveilleux. Rien que l'appel de ton cœur quand tu es près de moi. Rien que l'appel du désir quand je danse avec toi. Rien que l'amour, que l'amour. Rien que ton corps plein de fièvre. Rien que tes bras amoureux. Car cette nuit je ne veux rien que la joie que tu donnes quand tes 20 ans s'abandonnent pour me donner follement pour toujours rien que l'amour. Depuis que je t'ai vu, dès la première fois, je ne désire plus que toi. Et rien que toi. Rien que l'amour, rien que le feu de tes lèvres, rien que le ciel de tes yeux, et tout devient merveilleux. Avec toi. Rien que l'amour, rien que ton corps plein de fièvre, rien que tes bras amoureux, car cette nuit je ne veux rien que la joie que It was Chantal Martin with Perdu d'avance, featuring Jean-Pierre Sauveur, then Liz Martin with Si j'étais, and Luis Mariano with Rien que l'amour. Hello, bonjour, this is Freddy Le Tite Ideal. Welcome to French and Francis radio show Therapy on KFAI.org. I am originally from Paris and now living in Minnesota. I wanted to play songs and bands that were influential in France. The styles will vary, going from electronica to rock. Feel free to send me feedback, frenchinfluences@gmail.com. Now, we're going to listen to Pink Martini. They just came out with a CD with all of their French songs all together. And the first song we're going to listen to is Où est ma tête? Where is my head? And she answers that in the song. She says Rue Saint-Honoré. And Rue Saint-Honoré used to be where Romain used to live. So, and then she's going through her whole body and finding bits and pieces all over Paris. Then we're going to listen to another song from Pink Martini called Je ne t'aime plus, I no longer love you. And if I'm not wrong, I believe that it's a duet with Philippe Catherine. I don't have the specifics, so I could be wrong, but I'll check it out. Then we're going to listen to an artist who's French, but from Los Angeles, and is a musician, and he's, you know, contacted me and said, hey, you know, here's my song, we'd like to play it, and we're gonna play L'Homme Étoile, or The Starman, and it's Fred Cassidy. J'ai cherché ça et là, je ne l'ai pas trouvé. Dis-moi, où est ma tête? J'ai perdu mes bras sur la place de l'opéra. Je ne les ai pas trouvés. J'ai cherché ça et là, dis-moi. J'ai cherché ça et là, je ne l'ai pas trouvé. Dis-moi, où est mon nez? Reviens, chérie, fais-moi. Mon nez n'importe pas. C'est toi qui peux me J'ai perdu mes pieds à Saint-Germain-des-Prés. J'ai cherché ça et là, je ne les ai pas trouvés. Dis-moi, où sont mes pieds? Reviens, chérie, vers moi. Quand nous marchions au bois, j'ai pensé que tu es belle et je sais que tu es celle qui restera toujours avec moi. Oh, comme tu es telle. Je serai ta crème d'amant. Et nous serons des amants. noir, sans sommeil, les yeux écarquillés. Je cherche mon étoile dans la Voie lactée. C'est le lift-off déclenché, je décolle à point fermé. It was Pink Martini with Où est ma tête, then Still Pink Martini with Je ne t'aime plus, and Fred Cassidy with L'homme étoile. Now we're going to listen to Yael with Émancipance, then Je t'aime encore, I still love you, and Noir or Black, and it's from her new album called L'ère du Verseau, the era of the Aquarius. Émancipance, ce que tu penses. Émancipance, ce que tu danses. Émancipance, ce que tu penses. Émancipance, ce que tu danses. Hey. Émancipance, ce que tu penses. Émancipance, ce que tu danses. Hey. Et quand tu penses, trop quand tu danses, je fous le camp. l'amour, tu me regardes toujours pas. Je te tourne autour, tourne autour, mais tu ne me vois pas. Je parle pourtant la même langue, je la défends à tour de bras. De Tokyo à Portland, en passant par Barcelona, je fais des efforts, j'explique bien, je suis sûrement inadaptée. Quand je m'exporte, j'explique rien, j'ai pas besoin de m'expliquer. C'est peut-être là la vérité, tu te poses beaucoup de questions. Ou peut-être, peut-être pas assez, c'est moi qui suis vraiment con. Ce soir, moi je Yale with three songs. The first one was Émancipance. Émancipance, I believe, is a combo between emancipation and pense. Pense would mean thinking. The second one was Je t'aime encore. And the last one was Noir. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis, Saint Paul, and streaming at KFAI.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Now we're going to listen to a new song from La Femme, and the name is Paradigme. Then it's going to be Slimane with L'Absence, the absence, and Calogero with Video. l'essence, une palpitation. C'est une foule immense, pleine de gens sans prénom. C'est une clé posée au milieu des cartons. Un mot juste à côté qui te demande pardon. Elle te prend par la main, plante ses ongles sur tes paumes, dort sur ton oreiller, éteint ton téléphone. Elle publie à ta place des moments de bonheur pour que t'aies l'air en surface, mais que tu crèves à l'intérieur. À l'intérieur. Les jours d'anniversaire, elle souffle tes bougies et descend tous les verres. Elle vient même la nuit quand tu crois qu'elle s'endort. C'est contre elle que tu cries, elle est ton seul corps à corps. On vidéo. It was La Femme with Paradigm, Slimane with L'Absence, and Calogero with Video. And now we're going to talk about the events. An event I already talked about last week and the week before is the virtual European Christmas Market. The reason I did it is because it went from November 27th to December 10th. Then on Wednesday, December 9th, from 7 to 8 p.m., there's going to be Les Navigateurs de la Littérature Book Club. And it's organized by the Alliance Française, it's online. If you want more specific, you can go to afmsp.org. Check it out. Coucou Minneapolis is going to do a soirée jeu, or game, and it's called a Mystery Escape Game en français. So it's Thursday, December 10th, and at 6 p.m., and there's a link for cuckoofrenchclasses.com. The link for the whole event is a little bit too long, but you can go on their Coucou Minneapolis Facebook page or our Facebook page, Bonjour Minnesota, and get more information about it. But it sounds pretty cool. I mean, it's a game in French. The event will take place in French and some English, and it would be an excellent activity for anyone looking to unleash their inner detective. Then, on Friday, December 11th, there's going to be Say Cheese. And nope, it's not a workshop about photo, it's about cheese. To know more about all the cheese. So if you want to attend, you can register online at afmsp.org. Et voilà. That's it for the specific events. There's going to be more next week, but always check online before you attend an event just to make sure that things have not been rescheduled or changed. And again, there's a lot of movies either at theparkwaytheater.com or you can check out mspfilms.org or, you know, all the streaming channels have a lot of French movies on them. Whether you have Netflix or Prime or Hulu, there's always a choice of French movie that's really great. All right, back to the music. This program has been pre-recorded. KFAI, turning your radio into a time machine. Now we're going to listen to Calogero again. And the name of the song is La Rumeur, The Rumor. Then we're going to listen to David Hallyday, who is Johnny Hallyday's son, with his new CD called Imagine un Monde, Imagine a World. And the name of the song is Vite Rêve, Live Your Dreams. And he's talk about, you know, keeping on your dreams, and because a lot of people did live their dreams and kept on going and got successful because they were persistent. Then we're going to listen to Ben Mazoué with Quand Je Marche, When I Walk. Elle peut faire passer ton père pour un tox. Courez, courez, elle prend de l'ampleur. Elle tourne autour de toi, la rumeur. Elle court de bouche en bouche, de porte en porte. Tu appuies sur une touche et elle s'exporte. La rumeur. La rumeur. Un poste à midi, un flash à 20h. C'est un chuchotement dans un haut-parleur. Déjà de toi, la rumeur. La rumeur est lâchée, prête à lâcher. Et plus certain des mondes,

que je veux, pour eux ce que je veux, c'est bien moins important que ce que je suis. Les gamins, c'est faites ce que je fais, pas faites ce que je veux, encore moins faites ce que je dis. Dans ce cas-là, tant mieux pour la musique, tant mieux pour l'énergie, tant mieux pour les envies. Et pour le reste, pardon, tant pis, pardon, tant pis, pardon, tant pis. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de penser, je vais courir. L'angoisse, tenez-la bien. Je vais shooter dedans comme elle vient. Faut que je marche, parce que je comprends quand je marche. Faut que je marche, parce que j'apprends quand je marche. Faut que je marche, parce que je pense quand je marche. Parce que j'avance quand je marche. Parce que je rêve quand je marche. It was Calogero with La Rumeur, David Hallyday with Vite et Rêve, and Ben Mazoué with Quand je marche. Bonjour Minnesota on KFAI Fresh Air. Music, interviews, event calendar, and announcements for the Francophone, Francophile community highlighting the diversity of French-speaking culture. Tuesday, 8 to 10 p.m. 90.3 FM. Check us out on facebook.com/bonjourminnesota. Now, we're going to listen to a new song from Eric John Kaiser. Eric John Kaiser is from Paris. He's been living in Portland, Oregon for many years now. And he's an independent musician, and he needs help. And so, if you have a little bit of money that you want to send him for his new album that's going to come out very soon, go to ericjohnkaiser.com. And the song we're going to listen to is one of the songs from his new album called Hors Réseau. And it's translated as out of touch. Then we're going to listen to Pierre Richard, two songs. And Pierre Richard was an actor, and so this album is more, I mean, there is music, but it's more poetry than really like singing. So it's different. It's pretty nice. The first song is going to be Le Rêve, The Dream. And I love how he talk about defending dreams. You know, we have a lot of martial arts to defend our body, but not necessarily a lot of techniques to define our dreams. And then the next song is going to be Nick Talop. And I thought the word was very funny. And it's the capacity to see in the dark. But just Nick Talop is, yeah, it is funny, especially for a kid like me from the 90s. And it's from his first album called Nuit à Jour. Pour relever creuser la tête, déconnecté. Me sentir vivant, vivant. Mon canot glissé, vers l'horizon, loin des réseaux, rendre muet le diable, le jeter. Allège encore un peu plus mon fardeau. Comprenez bien mes amours, que vous quittez quelques jours, c'est juste pour. Le voleur m'a tout emporté, sauf la lune qui était à ma fenêtre. Quel sort devrait-on réserver à ceux qui tuent les rêves ? Tuer le rêve, c'est nous tuer nous-mêmes. C'est mutiler notre âme. Le rêve, c'est ce que nous possédons le plus intimement nôtre, de plus impénétrablement, inexpugnablement nôtre. Ainsi parle Fernando Pessoa dans le livre de l'intranquillité. On nous apprend à nous défendre, songeons à la diversité des sports de combat. Mais sincèrement, qui nous enseigne l'art de protéger nos rêves ? Protéger nos rêves, protéger nos rêves, protéger nos rêves, protéger nos rêves, protéger nos rêves, protéger nos rêves, protéger nos rêves, le rêve, le rêve, le rêve. Le rêve, protéger nos rêves, protéger nos rêves, protéger nos rêves. je me réveille avec des marques de pression et des plis du drap. La nuit m'a imprimé. Mais si j'ai fait un cauchemar, elle m'a froissé. Je ne saurais dire exactement quand je découvris ce mot pour la première fois. Si je suis incapable de retrouver dans ma mémoire quel carrefour nous lia, je me souviens de sa sensation. Une sensation exotique. Un mot sans accroche. Que je n'arrivais à rattraper par aucun pied. Inconnu, il glissait. Ce sont des mots savants. Je me rappelle juste l'avoir croisé lors d'une lecture et un fragment me reste en tête. L'homme se fait nyctalope. Le contexte a disparu, mais le mot demeure, pépite qui flamboie. Depuis, la signification a jeté son jour. Nyctalopie. Faculté de voir dans la pénombre. Et je pense, les philosophes sont nyctalopes. Les amoureux aussi. Quoi, c'est tout? Oui. Ah bah attends, c'est pas fini. J'ai encore plein de choses à dire sur nyctalope. Eh ben vas-y. Alors voilà, je voudrais bien encore parler de nyctalope. J'adore ce mot. Alors, voilà. Nyctalope. Tu es prêt? It was Eric John Kaiser with Or Réseau on Out of Touch, then Pierre Richard with Le Rêve, and another one from Pierre Richard with Nyctalope. We're going to listen to Alain Souchon, and we're going to listen to two songs from his new album, Am 50-50s. He had come out with an album called Am 50s. This one, Am 50-50s, is alive. And the songs are older songs. So the first one is Full Sentimental, Sentimental Crowd. And it's really about consumerism and, you know, making us believe that we're going to find happiness in buying a lot of things. And the second song is On Avance, We Are Moving Forward. And it's a nod to, you know, persistence and keeping on going. Then we're going to listen to Claudio Capeo with Mama, or, you know, Mom or Maman. It's from his album Penso a Te, and I probably say it very wrong because it's Italian and I don't speak Italian at all, but

Quel rêve étrange je fais chaque nuit, ma chérie. Par la fenêtre, le ciel vient flâner sur mon lit. Puis il m'habille de bleu, des pieds jusqu'à la tête. Et je me mets à voler, tout comme une alouette. Volare. Ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Yeah. Ciel bleu, je rêve, mon cœur est heureux. Mais quand la lune se perd au bleu de l'horizon, les plus jolies de nos rêves avec elle s'en vont. Pourtant le mien continue quand le jour se dévoile. Et dans le bleu de tes yeux qui scintillent d'étoiles, volare. Oh, oh, cantare. Oh, oh, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. E je vole, plus loin que la mer, de pas du soleil. Je découvre là-haut, dans les airs, un bonheur sans pareil. Et du ciel, une douce musique me chante à l'oreille. Tuoi blu, felice di stare qua giù. Oh, nel blu, gli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Tout ce que je n'étais pas, on buvait, on se mettait dans de mauvais états. Il n'y avait que comme ça que tu te confiais à moi. Je passais mon temps à fixer tous tes temps, t'écouter parler tout en souriant. Désormais pour moi c'était une évidence. Tu m'aimerais un jour même si c'est par accident. Tu es très bon acteur, mais moi je cherche ton moteur. Dis-moi que je suis à la hauteur de toi, accro à ton auteur et ta voix. Tu es très bon acteur, mais moi je cherche ton moteur. Dis-moi que je suis à la hauteur de toi, accro à ton auteur. parler de ta voix. Le temps a fait de nous deux inconnus. Dire qu'il y a peut-être là j'étais nue. Maintenant on fait genre on ne s'est jamais vu. À te perdre j'en étais bien résolu. Parfois je me mets à fixer le fit. Je pense à comment t'aimais pas vraiment rire. C'est du part de nos égos respectifs. Sans devenir maladie. Yeah. Ton parfum était un mélange de sucre et de sel. Une senteur unique et charme les demoiselles. J'ai cru que ta peau était seulement la mienne. Pourtant nos corps ne font plus trop d'étincelles. Je joue sur ma vie et sur celle de ma mère. À part toi je ne pense à personne à la veille. Sauvie moi je ne veux plus me prendre la tête. À deux on peut faire la huitième merveille. Avant que tu pars, dis-moi quelque chose que je ne sais pas. Quelque chose qui est en toi. Avant que tu partes, regarde en toi. S'il n'y reste pas juste un peu de moi. Tu es très bon acteur, mais moi je cherche ton moteur. Dis-moi que je suis à la hauteur de toi. Accro à ton auteur et ta voix. Tu es très bon acteur, mais moi je cherche ton moteur. Dis-moi que je suis à la hauteur de toi. Accro à ton auteur et ta voix. C'est la danse. Was Claudio Capeo with Bambino, another one from Claudio Capeo called Dans le bleu du ciel bleu, Luz and the Yakuza with Bon Acteur, and Synapson with Toujours, featuring Tim Dupe and Lass. That's all, folks. Thank you for listening. Yeah, merci beaucoup. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. We'll be here same time next week. And stay tuned for Balkan Jamboree with Nicolas. Nicolas. Yes, 90.3 FM or KFAI.org. Radio without boundaries. Exactly. À la semaine prochaine. Au revoir.